Salut, salut, salut, comme tous les dimanches, votre émission 100% punk, rock'n'roll, musiques expérimentales, c'est Lost in Space sur le 100 FM de Radioactive. Aujourd'hui, on attaque immédiatement avec Who Turned Three Cards, et pour tous les morceaux que vous aurez à entendre ce soir, rendez-vous sur la page de la radio. Allez, c'est parti, go! Your mom, high school English, got an A, you need a ticket to pot. But your mom has been to college, you're just a I'm in love with your mom. Got my fingers in you, baby, but I wish they were in your mom. Me sucking on her nips, that's right, her sucking on my prong. With your mom. Avant de reprendre les questions dont ce petit psychodrame était nourri, il me faut dire que je ne représente pas la sémiologie, ni le structuralisme. Aucun homme au monde ne peut représenter une idée, une croyance, une méthode, à plus forte raison quelqu'un qui écrit, dont la pratique élective n'est ni la parole, ni l'écrivance, mais l'écriture. Small voices heard, above clanking tools, the sweat starts to drip. It's hard to spread cheer, cause up around here, the Christmas season's never through. shed of blood from a settled immigrant. Never can retire because they never grow old. Elves of the North Pole. L'augmentation cette année des meurtres de gang, 201 par rapport aux 173 de l'année dernière à la même époque, m'a amené à réorganiser la structure de ce bureau. Devant l'augmentation des agissements de gang partout à Los Angeles, il m'est apparu comme évident que le département gagnerait à la création d'une nouvelle unité spécialisée pour s'attaquer aux plus odieux de ces meurtres de gang, notamment ceux qui sont les plus largement médiatisés. Bye. Ce bureau est dépassé par le nombre même des homicides perpétrés par les gangs, et je crains que nous ne puissions vraiment détruire l'infrastructure des gangs les plus violents, pour la simple raison que nos enquêteurs de la criminelle sont surchargés de travail. Hey! je souhaiterais que vous puissiez me consacrer environ une demi-heure afin que nous discutions du projet que j'ai élaboré concernant la création d'une nouvelle unité spécialisée. Celle-ci fonctionnerait séparément, mais sous la supervision du CRASH, Community Resources Against Street Hoodlums, ressources communautaires contre les délinquants, service actuellement sous mes ordres. Cette unité concentrerait ses efforts sur les gangs de rue les plus durs de l'East Los Angeles, lesquels sévissent à Los Angeles depuis plus de 50 ans. Si ces mesures spéciales s'avèrent efficaces contre ces gangs, qui sont parmi les plus invincibles, nous pourrions par la suite former des unités semblables pour lutter contre les gangs noirs de l'extrémité sud de la ville. Étant donné que le problème des gangs a été largement couvert par les journaux récemment, je suis sûr que vous n'aurez aucun mal à faire agréer cette idée à la commission de la police. Et vu que l'élection se rapproche, je suis prêt à parier que le maire sautera sur l'occasion. Let's go. Primitivo Estrada, 23 ans, était seul devant le portail de l'église Our Lady Queen of Angels. Pour tuer le temps, il se baladait d'avant en arrière sur les talons de ses chaussures Stacy Adams, impeccablement cirées. Le temps, il ne savait qu'en faire depuis qu'il avait été renvoyé du lycée en seconde année, lorsqu'on avait trouvé une arme à feu dans son casier, et il n'avait jamais eu le moindre emploi. Tout le monde l'appelait « Payaso ». À mesure que grandissait sa puissance et sa gloire, mon imagination renforçait la sévérité du châtiment que je voulais lui infliger. Ainsi, au début, me serais-je satisfait d'une défaite électorale, d'un refroidissement de l'enthousiasme populaire. Par la suite, je commençais d'exiger son emprisonnement. Plus tard encore, son exil dans quelque île lointaine, plate, à l'unique palmier, qui, tel un astérisque noir, renvoie au tréfonds d'un enfer éternel, pétri de solitude, de disgrâce et d'impuissance. Maintenant, enfin, rien, sinon sa mort, ne pourrait me satisfaire. Yeah. taking my scene. I'm blinking time. Dunk my head in a bucket of smiles. You're not that wise. Got a new effort. Helps me to breathe. Got a new style. I grip with my hand. Then you never really hold it hard when I'm in you. Comme dans ces graphiques où s'inscrit visuellement son ascension, par ce chiffre d'abord minuscule de ses partisans, qui grossit ensuite, s'allonge, devient énorme, ainsi ma haine bras croisés, reflet de son image telle qu'elle apparaît sur ses photographies, gonflait, menaçante, au centre de cet espace qui était mon âme, jusqu'à l'emplir presque entièrement, ne me laissant plus qu'une frange étroite de lumière incurvée, qui ressemblait plutôt à la couronne solaire de la folie qu'au halo du martyr, bien que je prévoie pour bientôt une éclipse totale. Thank you. are so many faces. In the city there are so many places. In the city it's noisy and quiet. There is so much to see. There is no life behind the scenery. In the city, you go with the crowd. Everyone's walking and talking very loud. In the city. You feel all alone, like you're walking through a danger zone. In the city, you feel like a child. In the city, everything's wild. In the city. Ses premiers portraits dans les journaux, aux devantures des magasins, sur les affiches, qui elles aussi grandissaient et foisonnaient dans notre pays irrigué d'abondance de pleurs de sang, paraissaient plutôt flous. À cette époque-là, j'avais encore des doutes sur l'issue fatale de ma haine. Je ne sais quoi d'humain, certaines possibilités d'échec, de dépression nerveuse, de maladie, que sais-je encore, semblaient filtrer au travers de quelques-unes de ces photographies, ou les poses différées qui n'étaient pas encore standardisées. Son regard, qui n'avait pas acquis sa fixité historique, vacillait. Peu à peu, cependant, son apparence devenait immuable. Ses joues et ses maxillaires se couvraient dans les portraits officiels d'un luisant divin, l'huile d'olive de la vénération publique, le vernis d'un chef-d'œuvre achevé. Il devenait impossible d'imaginer que l'on puisse moucher ce nez ou que ce doigt fourrage à l'intérieur de cette bouche pour déloger une particule de nourriture logée derrière une incisive carrière. À la période de diversité expérimentale succéda celle de la sainte uniformité qui consacra le regard aujourd'hui familier, figé, sans lustre, de ces yeux ni intelligents ni cruels, mais où se devine une étrangeté insupportable. Sanctifiée de même la matière charnue et solide du menton, le bronze des bajoues et ce signe distinctif, bientôt propriété commune des dessinateurs humoristiques du monde entier, et leur permettant presque à coup sûr d'attraper la ressemblance, la ride épaisse barrant le front, sédiment adipeux de la pensée, nul doute, plutôt que sa cicatrice. Force m'est de croire que l'on a frotté son visage de toutes sortes de baumes brevetés. Comment comprendre autrement cette qualité métallique, car je l'avais connu maladif, boursouflé, mal rasé, à tel point que l'on entendait le crissement des soies contre le sol amidonné et sale, quand il tournait la tête. Et les lunettes, qu'étaient devenues les lunettes qu'il portait dans sa jeunesse ? Seulement la politique ne m'a jamais fasciné, mais je n'ai jamais non plus lu avec attention une simple chronique, voire un bref compte-rendu d'un congrès de parti. Les questions sociologiques ne sont pas de celles qui m'intriguent, et jusqu'à ce jour, je ne saurais m'imaginer participant à un complot ou assis simplement dans une salle enfumée parmi des gens que la politique excite, sérieux, tendus, acharnés à la discussion des méthodes de lutte à la lumière des événements récents. Je me soucie comme d'une guigne du bien-être de l'humanité, et non seulement je ne crois pas qu'une majorité quelconque puisse, de façon automatique, être dans le vrai, mais j'ai tendance à remettre en question la nécessité de lutter pour un état de choses où, littéralement, tout le monde est à demi-nourri et à demi-éduqué. Je sais encore qu'il est du destin de mon pays natal, sous sa botte aujourd'hui, de connaître dans un futur encore éloigné bien d'autres soulèvements qui ne dépendront pas des actions quelconques de ce tyran. Quoi qu'il en soit, il faut l'abattre. Yeah. so sick of the no can do and the failures you can see. At any rate, from the looks of things, everyone's nodding out. But me! I'm better than them. I don't have the kind of time to spend with slacker types trying to be my friend. I want to put an end to all of them, but I don't know where to begin, cause I'm pretty sure the world's on heroin. Yeah, I'm pretty sure the world's on heroin. Quand les dieux avaient coutume de prendre forme humaine, ils s'avançaient vêtus de pourpre, du pas à la fois modeste et puissant de leurs pieds musculeux, chaussés de sandales qu'aucune poussière ne souillait, et ils apparaissaient aux laboureurs et aux bergers sans que leur divinité s'en trouvât le moins du monde rabaissé. Au contraire, le charme de la condition humaine qui s'exhalait d'eux ne faisait que confirmer de la façon la plus éloquente leur essence céleste. Mais, quand un homme mal dégrossi, mal léché, mal éduqué, au premier coup d'œil un fanatique grossier, et à y mieux regarder un lourdeau vulgaire, brutal et sinistre, plein d'une ambition morbide, quand un tel homme revêt un accoutrement divin, l'envie vous prend de s'excuser auprès des dieux. Il serait vain de tenter de me convaincre qu'il n'y est pour rien, que ce qui l'a hissé et tenu sur ce trône de fer et de béton, c'est l'évolution implacable des idées sombres, zoologiques, zoroastriennes qui ont obscurci l'imagination de mon pays. On a beau comparer une doctrine au manche d'une cognée, il faut encore que l'homme, s'il veut la hache, se décide à fixer la lame. vicious, greedy presenters. Once I scraped the mud off, they come right back to me again. I watch the plates pile up and wait until it starts. Pick them up when no one's looking and drive them in the park. Psychological survival. Ah. Psychological survival. Nous étions à l'étude quand le proviseur entra, suivi d'un nouveau habillé en bourgeois et d'un garçon de classe qui portait un grand pupitre. Ceux qui dormaient se réveillèrent et chacun se leva comme surpris dans son travail.

On commença la récitation des leçons. Il les écouta de toutes ses oreilles, attentif comme au sermon, n'osant même croiser les cuisses, ni s'appuyer sur le coude, et à 2 heures, quand la cloche sonna, le maître d'études fut obligé de l'avertir pour qu'il se mît avec nous dans les rangs. Spécialiste de la publicité, ancien directeur général du cabinet Bernard Krief Communication, concepteur de la marque El Gringo chez le fabricant de café Jacques Vabre, s'est un jour dressé contre les abus d'un grand annonceur, les hypermarchés Leclerc. C'était le 18 février 2005 au Perreux-sur-Marne, alors que de grandes affiches détournées de l'atelier populaire de 1968, dite ex-école des Beaux-Arts, recouvraient la France entière. Au vu de cette image bien connue représentant un CRS levant sa matraque au-dessus d'un bouclier, icône que le PDG des hypermarchés avait détournée en frappant le bouclier d'un code-barre, le communicant avait flairé la manipulation derrière le slogan « La hausse des prix oppresse votre pouvoir d'achat ». Le PDG voulait faire entendre la voix de ses intérêts contre la loi Galland, qui limite en France la baisse des prix. Mais notre spécialiste du marketing, un certain Jean-Pierre Raffarin, alors Premier ministre, a vite trouvé l'argument qui tue. S'ils veulent baisser les prix, ils n'ont qu'à mettre l'argent de la publicité dans la baisse des prix. Y'all are done, dude. On the front line. play on the front line. Bye. Notre expert a une qualité dont il s'est longtemps prévalu, du bon sens. Si les grandes entreprises avaient effectivement injecté dans la baisse des prix ne serait-ce que 10,2% de leurs dépenses de publicité, soit l'équivalent de la croissance en 2004 de leur budget publicitaire, pas moins de 1,8 milliard d'euros auraient pu être dégagés en faveur du pouvoir d'achat des ménages. Le lien est en effet mécanique. En septembre 2004, il a suffi que Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'économie, négocie une baisse de 1 à 2% des prix des produits des grandes marques pour que l'envolée des dépenses de publicité sur les 8 premiers mois de l'année, plus 12%, se ralentisse au cours des 4 mois restants, plus 7,8%. En 2005, la hausse était encore de 5,9% selon l'Institut Taylor Nelson Sofres, mais le secteur des marques alimentaires avait, lui, réduit ses investissements publicitaires de 8,4%. La démonstration était faite que seul l'interventionnisme de l'État, en l'occurrence d'une portée toute symbolique, mais suffisante pour satisfaire les appétits électoralistes de Nicolas Sarkozy, était en mesure d'enrayer la course folle des investissements en communication. Talking up a night, talking to the face of love. Tuesday night, calling to En 10 ans, les dépenses publicitaires ont augmenté en France de près de 10 milliards d'euros pour atteindre 31,8 milliards en 2005, soit 2% du produit intérieur brut. Selon l'Union des annonceurs, qui estime que la communication est souvent le premier poste de dépenses des entreprises après les salaires. Quel bénéfice en a tiré le consommateur ? Malgré les incessantes opérations de promotion, les cartes de fidélité, les coupons de réduction et les forfaits en tout genre, la hausse des prix s'est accélérée après le passage à l'euro. Les promesses d'économie tant vantées par la publicité ne se sont guère retrouvées dans le pouvoir d'achat des ménages. Selon l'INSEE, ces derniers ont, entre 2000 et 2005, rogné de 10 milliards d'euros leurs dépenses alimentaires pour se loger, faire face à la hausse de leurs factures d'énergie, mais aussi pour répondre aux sirènes de la société des loisirs et de la communication. Au risque d'amplifier par de tels arbitrages défavorables à l'alimentation, un phénomène d'obésité qui touche les catégories sociales les plus vulnérables, les publicitaires ont été les fabricants zélés d'une économie du désir qui a permis à quantité de produits high-tech dans la téléphonie, les jeux, la télévision ou Internet de trouver leur marché. Le marché du divertissement, qui va des loisirs, spectacles aux médias en passant par la téléphonie, les nouvelles technologies ou la musique, ne doit ainsi son existence qu'aux milliards d'euros investis dans la publicité. Habile au jeu de la filière inversée, cher à l'économiste américain John Kenneth Galbraith, les industriels ont compris la nécessité de porter à son paroxysme l'orchestration du désir de consommation avant de produire. Car telle est la caractéristique d'une société où la productivité est virtuellement illimitée, du fait de l'automatisation industrielle et de la mondialisation, le contrôle de l'appareil de production compte moins que la maîtrise des aspirations consuméristes. La publicité joue donc ce rôle essentiel de modeler les besoins et les attentes des individus en fonction de la demande économique. We'll be right back. faire accepter ce nouvel ordre social qui place le consommateur au centre de la dynamique économique, les acteurs du marché publicitaire ont fait office de propagandistes talentueux et parfois inconscients d'une idéologie dominante. Dans une société où l'ascenseur social est en panne, ils ont fourni des signes de reconnaissance symbolique en entretenant l'adhésion à des marques qui fonctionnent comme autant d'archétypes de positionnement identitaire. Invitées à s'accaparer l'imagerie publicitaire au moins autant que les produits ou les services auxquels elles se rattachent, les consommateurs ont été conduits à se prendre au jeu d'une culture pub, perpétuant les rapports dominant-dominé au nom d'une légitime aspiration à la consommation, légitime entre guillemets. Davantage qu'un simple reflet de la société économique moderne, la publicité suscite l'acceptation de celle-ci dans toutes ses composantes. Inégalitarisme, violence sociale, domination masculine, stéréotypes communautaires, etc. Elle fabrique les envies, les rapports sociaux, les clivages générationnels, les normes esthétiques sans lesquelles il n'est pas de société capitaliste, c'est-à-dire une société où l'accumulation du capital est un but en soi, permettant d'accéder à la société de consommation. Bien plus qu'une émanation superficielle de la société néolibérale, la pub en est donc un des composants moteurs. Par l'affectio societatis qu'elle suscite avec ses gentils créatifs à l'humour patent, elle façonne jour après jour l'acceptation d'un mode de vie. Les publicitaires eux-mêmes, issus pour la plupart de la génération post-1968, contribuent à entretenir l'illusion d'une contestation. Fils de famille émancipée dans une forme commune de détestation de l'État, symbolisée par un ORTF limitant à leurs yeux les prouesses de la communication moderne, ils ont trouvé dans le credo de la libéralisation des ondes une voie nouvelle susceptible de retraduire leur désir de créativité en monnaie sonnante et trébuchante. Depuis le premier spot de publicité télévisée, en 1968, jusqu'aux nouveaux canaux de diffusion sur Internet, aux consoles de jeux et aux téléphones portables, en passant par l'éclatement de l'ORTF en 1974, l'émergence des radios FM privées dans les années 1980, la privatisation de la télévision hertzienne en 1986 et l'arrivée des quotidiens gratuits en 2002, chaque épisode de l'histoire récente des médias a joué en faveur d'une expression plus ample de la publicité. En 1968, le téléspectateur n'était soumis qu'à 2 minutes par jour d'écran publicitaire. Il faut multiplier ce chiffre par 72 pour obtenir la durée quotidienne maximale de publicité autorisée en 2006 sur les chaînes hertziennes, 144 minutes. It's got a CO2 thing, and it's fucking full of white powder. And I just go up to people and push it, and it goes. We'll be right back. escupido, fascista memo, limpia del cristal. La solución es una cámara de gas con los políticos adentro. Vous êtes toujours bien calé sur le 100FM, 11h est passé maintenant depuis quelques minutes. C'est la deuxième partie de Lost in Space qui attaque. On vient de finir à l'instant avec deux bons morceaux de punk traditionnel. NoFX qui vous chantait Cookie the Clown, donc Cookie le clown. Et juste maintenant, un groupe espagnol, la Polar Records, qui chantait Solution Final. Je suis pas très très bon avec l'accent espagnol, mais je pense que vous avez compris que ça voulait dire la solution finale. Dernière partie donc de Lost in Space en cette belle soirée. C'est un concert et on retrouve Shellac enregistré en 1994 dans un bled américain quelconque, en l'occurrence c'est à Phoenix, au Phoenix Festival Warwickshire, enregistré donc le 17 juillet 1994. Le concert est complet, il dure une heure. Et pour ceux qui ne connaissent pas Shellac, vous avez peut-être déjà entendu parler de son guitariste-chanteur, si vous êtes fan de rock'n'roll et de punk. C'est Steve Albini qui a produit un nombre, on va dire, considérable de bons disques avec un son assez particulier, assez brut de décoffrage. Alors, pas brut de décoffrage dans le sens où il est mal foutu. Au contraire, il est d'une précision et d'une concision qu'on retrouve assez rarement. C'est pas vraiment la personne qui va vous faire des overdubs et qui va vous rajouter des milliards de pistes, non. Lui, il enregistre chaque instrument avec le meilleur son possible, le son le plus pur, généralement en analogique pour que ça se passe bien. Et comme il adore faire de la production, il aime aussi faire de la musique, il a donc sorti un groupe qui s'appelait Shellac après avoir eu Big Black, que l'on écoutera, je pense, dans quelques semaines à un concert. Shellac, vous allez voir, c'est la pureté du son rock moderne réduit à sa plus simple expression, basse, guitare, batterie, point barre.